L'affaire, c'est oui, il y a une certaine réalité des entités. Mais le problème, c'est que l'être humain est un créateur endormi, puis il est capable d'entétiser, puis il est capable de nourrir des manifestations, notamment. Là, si vous avez un petit peu étudié le cas de Rudi Schneider, c'est un Autrichien, ça fait longtemps. C'est dans le temps, ça a été étudié par le baron Schrenck-Notting. Je sais pas s'il y en a qui sont au courant de ces choses-là. C'est peut-être un défaut que j'ai d'avoir été le nez tellement de temps dans des livres qui sentent le moisi. Bonjour à vous, mon ami. Quel est le sujet ce soir? Ben, je sais pas. Moi, je dis notre planète, c'est un laboratoire de Frankenstein. Moi, hein? Ben oui, mais d'un autre côté, on n'est pas obligé de faire exprès. YouTube supprime les commentaires quand on met un lien sur certaines chaînes. Oui, c'est normal. Ça fait partie de. Vous savez que nous vivons à une époque de troubles, puis c'est très, très politisé, très idéologisé, très, très. Bon, puis il y a la psychologie de masse aussi. Donc, on essaie d'empêcher certains mouvements de se faire. Bon, il y a un papillon de nuit ici. Donc, de quoi je parlais donc? Aussi, oh, le laboratoire de Frankenstein. L'affaire, c'est qu'on n'est pas. Oui, ben, c'est une planète expérimentale. Puis on est entouré de. Bon. Les liens, vous pouvez pas mettre dans un chat avant, oui, mais pas maintenant. Ah, c'est possible. Je suis pas très connaissant dans tout ce qui est informatique, là. Genre de choses que je devrais pas dire d'ailleurs. Mais à un moment donné, je prendrai un technicien. Puis, mais par rapport à l'expérimental, je suis extrêmement découragé de voir revenir des modes. Des influences, puis même liées au milieu universitaire. Bonjour Mathieu. Où la drogue, les psychédéliques sont de retour et il y a beaucoup de gens qui vont vouloir ouvrir leur centre avec ça. On revoit aussi revenir à la mode de certains types de chamanisme. Puis, ben franchement, je vous avoue que ça me met en colère. Pour s'éveiller, entre guillemets, l'être humain n'a pas besoin de. S'intoxiquer. J'en vois réellement, mais réellement pas l'intérêt. Puis ça me met vraiment, vraiment en colère parce que ça va engendrer plus de problèmes que de conscience. Mais les problèmes après, c'est parce que c'est plus long, là, générer de la conscience à partir de l'intégration expérimentale, à partir de certaines choses. Donc, oui, ça me met en colère. Puis là, on parle de plus en plus comme de ramener certains psychotropes pour traiter, par exemple, la schizophrénie, là, c'est à voir, là, au niveau des résultats, mais bien franchement, pour des raisons spirituelles. Complètement d'accord. Ah bon. Mathieu, une première en soirée, oui. Habituellement, le soir, j'en fais pas de live. Mais là, bon, c'est une première, il faut bien que. Mais c'est comme je vous dis, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Puis je vois de plus en plus autour de moi surgir de l'instabilité sociale. Notamment, on voit un retour de la cocaïne, là, on se croirait dans les années 80. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je suis réellement écœuré de voir des gens survoltés qui ont le système nerveux survolté. Intéressant, le PIB des drogues. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par. Le PIB, là. Mais, bien franchement, là, je suis vraiment, vraiment, vraiment découragé de ça. Il y a beaucoup de gens qui vont nuire, qui vont se nuire, qui vont s'ouvrir les centres alors que c'est pas le temps. Il peut rentrer toutes sortes d'affaires. Il y a beaucoup encore des choses qui reviennent à la mode. Des influences liées à des mouvements. Puis, je vois certains dangers là, poindre. Puis, on va avoir encore plus dans les années qui viennent d'instabilité sociale par rapport à des choses comme ça. Une fille avec des tam-tams va nous régler ça. Faut juste qu'on construire plus de dolmens avec des grosses roches, moins. Vous savez, les dolmens, là, qu'il y a en Europe, et puis, ça n'avait pas les fonctions qu'on leur accorde aujourd'hui, là. C'est dans le nouvel âge, puis ces affaires-là, là. En tout cas, j'ai essayé d'écouter ta dernière vidéo. Après 10 minutes, j'ai décroché. Je suis incapable d'aller tout ça. Ça m'a surpris. C'est des informations reliées à mon expérience. Ça se peut. Pourtant, c'était pas long. C'était pas. Bertolt jetait un coup d'œil chez Jackfruit. Il a fait une vidéo sur les enfants. Un japonais. Traduction de John Jandai. Bah. Ben, peut-être, là, si ça donne, là, ben, pour être franc, là. C'est rare là, que je vais me promener. Je suis certain, ça dépend de quoi ça parle, là. Coup d'œil chez Jackfruit, il a fait une vidéo sur les enfants. Ah, traduction, bon. Moi, bon, peut-être là, que j'irai voir, mais bien franchement, là. Savez-vous, l'activité la plus plaisante que j'ai faite aujourd'hui, je pense que c'est quand j'ai recousu un bouton. Vie des enfants, moi. Ben, je suis un petit peu inquiet. Je suis un petit peu inquiet. Je regarde l'environnement. Je parle pas au niveau écologique. Je parle au niveau vibratoire. Puis, en tout cas, je suis content d'être né il y a un bout de temps. Je voudrais pas être un enfant maintenant. Je suis découragé également. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu passer un festival lié à faire revenir les énergies de l'Égypte, des tam-tams, des chamans et des trucs psychotroques vraiment décourageants. Ben oui. En plus que l'aspect mystique des Égyptiens avait rien de chamanique, là, il était passé à autre chose que. Ah bon. Ah, ok, il y a quelqu'un qui m'écrivait sur Skype, là. Moi. Il y a certaines choses. Parlant de jackfruit, je viens d'essayer le fruit du mangoustanier. Ah oui, je connais. Ben oui, je connais bien. Ils ne se rendent pas compte à quoi ils s'adonnent et ce qu'ils ouvrent. Et voilà. Et voilà. Ben vous savez, juste un gros concert rock qui a toute une foule, puis tout, on sent, on voit l'énergie. Puis c'est vieux, ces choses-là, c'est des expériences qui. Bon, ben, c'est surprenant par rapport à des gens à partir des années 50 que, bonsoir Cristaline, qui ont beaucoup été dans, comme j'expliquais là, d'ouvrir des centres avec toutes sortes de substances. Ben, franchement, là, ça me met vraiment en colère. Ça me met vraiment en colère. Je me rappelle d'un monsieur qui était lié. Au mouvement de Gurdjieff. Puis lui, il m'expliquait qu'on peut penser à deux choses en même temps. Puis il faisait des petits exercices de Gurdjieff, là, puis tout. Puis finalement, moi, au premier essai, je le faisais. Je veux dire, j'avais pas besoin de m'y exercer. Puis je comprendrai jamais. Vraiment, là, il n'y a rien à comprendre dans le fond, là. Il y a une fascination pour tout cela. Ben oui, ça fonctionne avec la fascination, sinon ça arrêterait tout de suite. En tout cas, j'ai vu une vidéo École initiatique Kimutu. Il parle de dons d'organes sans transplantation. Moi. Ouais. Ben, vous savez, là, c'est des choses plus ces questions, je parlerai plus au niveau éthique, peut-être. Mais d'un autre côté, bon. Je suis désolé, là, je vais aller voir 2 secondes quelque chose. OK. Donc, est-ce que vraiment on n'est pas capable d'assumer le réel, d'assumer le vide et le silence, qu'on a besoin de se surstimuler? Est-ce qu'on a réellement besoin de toujours. Comme si l'univers n'avait pas fait le système nerveux humain pour qu'il soit en capacité de capter certaines choses. Si l'être humain a des centres fermés, c'est pour le protéger, mais pourquoi? Comment ça se fait? S'il était capable d'entrer en syntonie avec ces choses-là, ça s'ouvrirait tout seul. Pourquoi s'altérer avec toutes sortes de choses? L'être humain n'est pas capable d'être à froid. Je veux dire, le réel, ça se prend à frette. Il faut regarder les choses en face à froid. C'est là que la capacité augmente. Ah,

Là, ça dépend tout le temps le niveau de l'opérant. Mais ce qui est important aussi, c'est le niveau de la personne ciblée. Donc oui, ça peut arriver. Puis il y a aussi ce qu'on appelle les chocs en retour, mais c'est très mécanique, ça, c'est pas lié à une morale ou à une éthique, c'est-à-dire que ce qui n'atteint pas sa cible revient à l'envoyeur parfois. Donc, il y en a qui sont connaissants pour se protéger d'eux-mêmes. C'est pour ça de ne pas voir une justice divine là-dedans, là, parce qu'il y en a des pas bons puis des bons riens qui nuisent toute leur vie, puis ils meurent dans leur lit, puis ils ont bien de l'argent, puis tout va bien. Comme BDM a dit, c'est la croyance qui active l'effet. Pas nécessairement, parce que vous pouvez envoûter quelqu'un qui ne croit pas à ces choses-là. Ça arrive. Je sais que c'est dans la croyance populaire que c'est pas le cas, mais ça dépend. Pour ça, je vous dis, ça dépend le niveau de l'opérant. Même si le niveau de la personne ciblée joue aussi, mais ça dépend du niveau de l'opérant. Miel de Manuka, c'est très cher, mais moins. Feu, magie noire, moins. Donc, prenez l'affaire, là. Il y a quelque chose qui m'était venu, puis je l'ai perdu. Mais prenez juste les hypnotiseurs. Il y a dans la croyance populaire l'idée qu'on ne peut pas hypnotiser quelqu'un qui n'est pas conscient. Or, c'est complètement faux. Et ça dépend du niveau de l'opérateur encore. Il y en a eu, là, il y en a un, là. Ça fait un bout de temps qu'il est décédé, là, un petit monsieur barbu roux, là. Lui, il mettait les gens à genoux de force devant lui, juste par le regard. Puis c'était, il y a même un journaliste, il suppliait, puis il s'excusait, il disait, arrêtez, arrêtez. Mais, un qui était pas pire et tout, c'est le frère Dominique Webb. Mais il y en a pas mal qui. L'autre, là, qui a pris le nom de Mesmer, là, premièrement, c'était irrespectueux envers la mémoire, de quelque part, de Franz Anton Mesmer, mais en plus, lui, c'est de la petite bière. C'est ce qu'on appelle l'hypnotisme de cabaret. Donc, est-ce que humain n'aurait pas été limité pour empêcher qu'il évolue? Ça dépend de quoi on parle. Il y a des forces retardataires. C'est au niveau d'une gestion. Une aide telle que parler à une personne moins limitée, substance naturelle, n'aiderait-il pas à briser la limitation? Ça dépend, là. C'est un petit peu comme du sport de haut niveau. Si vous prenez des substances pour améliorer vos performances, peut-être vous allez avoir une belle carrière, mais elle va durer moins longtemps, peut-être. Peut-être vous allez vous user le cœur ou si le parallèle est. C'est pour ça là, que je vous dis, là, le temps fait bien les choses. L'être humain est impatient, il va aller vite. Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que, bon, si je voulais aller trop vite, j'allais me faire limiter, puis c'était pas nécessairement inintelligent. Donc, en fait, la personne a eu peur de moi et elle pensait que je lui jetais des sorts. Et elle m'a donc dit que c'est elle qui fait ce genre de choses. Ben voilà, c'est de la projection. Vous savez, il y a un type d'opérant, certains types d'opérants. C'est tellement dangereux ce qu'ils font qu'ils finissent par devenir paranoïaques. Donc, Mathieu Touga, sinon, comment se prémunir en ayant une autorité? Si vous avez de l'autorité, puis une volonté forte, puis un caractère bien trempé, c'est beaucoup plus que là-dedans, là. Be real avec Naomi, bon. Mathieu, des choses comme ça me mettent en crise. Pourquoi je peux même pas me défendre, même contre les entités, ou savoir au niveau de mon contact quoi faire pour me protéger? Comment ça, vous n'êtes pas supposé être attaqué par des entités, là? Il y a une dame qui écrit un livre d'autodéfense psychique, mais ça remonte à il y a longtemps. Là. Je ne sais pas si vous pourriez trouver ça, là. Mais c'est parce que là, oui, des attaques psychiques, ben oui, il y en a un à un moment donné. Un autochtone avec qui je parlais, puis il m'expliquait qu'il était attaqué par des entités. Puis lui, ils l'ont mis sur des antipsychotiques pour le couper de ça. Mais là, est-ce que c'est souhaitable? Parle-en pas. Quel livre que tu nous suggères de lire qui t'ont réellement plu? Je pourrais pas. Mais c'est les classiques. habituellement ce que fait ses preuves au cours du temps. Mais ça dépend là, de quel sujet. Peut-être est-ce le cas de la vivre selon protège. Peut-être est-ce le cas de le vivre selon protège. Non, mais j'ai ressenti sans me sentir attaqué. Ah, ben là, c'est pas pareil. S'il n'y a pas d'effet indésirable, dans le sens que faut juste observer activement, ça peut être instructif. J'ai senti l'énergie densifiée et de basse vibration, mais le fait de vivre cet événement me fait voir que je suis en évolution au niveau de ces peurs-là. Donc, ça a une fonction. Ça a une fonction. Personnellement, imaginez, là, si je me mettais à me psychique de tous les opérants de certains types de sciences abstraites, je deviendrais paranoïaque. Puis de toute façon, je le sais qu'il y en a qui se sont essayés. Bonne chance. Bonne chance. Oui, c'est ce que j'ai fait observer, sans croire les pensées. Voilà. Moi, ben, c'est surtout de ne pas s'identifier aux pensées. Parce que l'affaire croire, ça dépend, là, parce qu'il faut qu'il y ait un assemblage de pensées au niveau d'engendrer une croyance. Il y a juste des formes de pensée qui passent rapidement, c'est pas s'identifier à. C'est déjà beau. La personne qui a fait un rêve sur moi, m'avait vu. C'est pour ça que je dis non, je ne suis pas un fan de vidéo, ça fait pas partie de mon univers vraiment. Mais à le rêver de moi, il y a quelque chose par contre qui m'a frappé. C'est le rêve de moi, j'étais habillé en vert. Puis le vert, c'est. Il y a certains types de verre là, qui sont nocifs là, au niveau vibratoire, mais il y a certains autres types, c'est peut-être la seule couleur qui a la même longueur d'onde que ce qui est projeté par l'œil. Donc, c'est très, très apaisant. Puis je repensais à ça par après. J'ai dit, c'est drôle que ma vue vêtue de vert. Parce que. Il y a certains vêtements que j'ai fait confectionner pour certaines fonctions. Puis, c'est vraiment ma couleur de prédilection pour, si on peut dire, passer inaperçu. Des gens, ils veulent être supraconscients, mais c'est pas donné à tout le monde. Ouais, mais l'affaire, là, c'est les gens, ils veulent. Est-ce que c'est un désir? Il y a beaucoup de choses que j'ai réussi à acquérir. C'est pas parce que j'avais le désir d'acquérir un pouvoir, mais parce que je voulais savoir. Puis au point où c'est presque un mécanisme de survie là, qui s'est manifesté. Mais des gens, ils veulent être supraconscients. Ça dépend pourquoi. Dans le sens que, au moins être capable de gérer la base là, avant. T'sais, je veux dire, quelqu'un qui est en dépression, c'est pas le temps. Mais ça peut passer par là. Ça me rappelle un rêve de toi aussi. Tu étais seulement une tête dans la pièce où j'étais et tu me remettais à ma place. Cette journée-là, j'ai été très solide par après. Je me suis senti ancré. Ah, j'ai peut-être juste servi de support. Imaginez, là, comme Zardos, comme dans le navire, là. La grosse tête, là. Moi, je me souviens même pas comment j'ai tombé sur les vidéos supraconscience. Dans mon cas, j'avais une conjointe, puis j'y parlais. C'est spécial, hein? C'est autour de 2010. J'y parlais, je lui disais, mon père puis sa mère, ils étaient dans des patentes, une espèce de sauterie, là, puis. Puis elle me disait, oh, ouais, puis tout. Puis j'y avais montré le livre La Genèse du réel. Puis à un moment donné, j'ai dit, gars, je vais te le montrer, le sautant en question, là. Puis j'avais mis une vidéo de Bernard sur YouTube. Je me suis rendu compte qu'il y avait des vidéos de Bernard sur YouTube. Puis bon, votre connexion est instable. Veuillez patienter pendant qu'on essaye d'être stable. Bon, je m'excuse, ça doit couper un petit peu. Donc, je suis tombé sur la vidéo Le premier mystère cosmique de Bernard. Puis Bernard, ce qu'il disait, c'était tellement brillant que tout d'un coup, je me suis rendu compte que peut-être j'avais été subjectif là, pendant les 20 et quelques années avant. Bon, là, je vois que ça va pas bien. On dirait que ça charge pas, là, les commentaires. Maudit YouTube. Pourtant, supposément qu'on est tellement avancé, puis ma connexion est bonne pourtant. Et que c'est étonnant. Ça fait combien de temps je suis là? 36 minutes et 43. Ma connexion est correcte, c'est eux autres. C'est eux autres. Bon, ça doit couper, là. Je m'excuse, là. Marie-Jeanne, je vois pas ce que vous avez mis. Juste le petit symbole quand ça charge. Je le vois pas. Donc, dans mon entourage, amis, famille, travail, personne ne connaît Supraconscience. Ben, c'est tant mieux. J'essaie le plus possible, moi, de pas en parler à des proches. C'est des choses que j'apporte pas. Quand je suis là, ça bug. Ah, ben, ça se peut. Depuis quelque temps, tout va de travers et avec les amis aussi. Cela voudrait-il dire que l'on doit changer de direction? Ça dépend, là. C'est du cas par cas. T'intéresses-tu à la science holographique? Non. Non, vraiment pas. J'aimais ça quand les réseaux est mauvais. OK. Ah bon, je connais. Merci de me l'expliquer. Ouais. Tout. Peut-être qu'ils trouvent ça moins compliqué de. Ah! Mathieu n'est pas content. J'ai fait le saut dans le Supra en 2021. Tout un autre monde. Ouais, je comprends donc. Mais c'est comme tous les autres mondes dans le sens que. Il y a toutes sortes de choses. Marie, tu nous joues des tours. Ah! On t'entend pourtant. Ah, c'est juste l'image qui est figée. Bon, c'est pas grave. En autant que, de toute façon, là, si c'est l'écran, ça tourne et ça, c'est pour le. OK, ça, c'est pour ça, je mets OK. Donc, là, vous allez voir que c'est pas. Souvent, les gens qui vont arriver dans ces choses-là, dans le supramental, c'est comme une révélation. Puis là, ils partent en peur. Puis ils deviennent enthousiastes. Puis, Mathieu, tout gars, bon. Ben voyons, j'ai tombé de problème ce soir. Bon, ben, ça va avoir fait un live pas long parce que ça continue, je vais cesser, là, j'ai pas envie d'en refaire un autre. L'abonné tente de rejoindre. Je rigole, OK. Bon, ben. Ce qui arrive, c'est qu'au début, quand les gens tombent là-dedans, il va y avoir des fois certaines structures qui vont lâcher. Ils se rendent compte de certaines choses. Puis ce qui va arriver, c'est que ils vont tomber dans une forme d'enthousiasme. Puis une forme même des fois d'euphorie. Ah, bonjour Christophe. Il faut se méfier de l'enthousiasme, de l'euphorie que ça peut engendrer. Parce que bien franchement, c'est possiblement le parcours le plus miné. C'est dans les milieux les plus minés. C'est un milieu qui est réellement un panier de crabes. Puis c'est un terrain miné. Donc, le supramental réel, il est au niveau d'un parcours lié à vous dans votre expérience. Vous allez voir que c'est comme avancer dans le vide. Puis, à chaque fois que vous mettez un pas devant vous, le sol apparaît à mesure. Il ne faut pas vous en remettre à qui que ce soit. Puis, il peut y avoir des accompagnements, il peut y avoir des choses comme ça, mais de ne pas être naïf. Puis aussi, partir de l'idée que vous êtes naïf, parce que c'est un petit peu l'aspect profond de base de l'être humain, la naïveté par rapport à tout ce qui est invisible, tout ce qui n'est pas intégré. Donc, j'ai commencé la supraconscience en 2020 pour ma part. Eh bien, c'est surprenant. Quand j'ai commencé un petit peu, c'est vers 2015 que j'ai recommencé à prendre contact un petit peu avec des gens qui étaient dans ces milieux-là. Vous savez, je me doutais qu'il y aurait une vague. Je me doutais que ça allait revenir. Même si Bernard de Montréal était décédé, quelques années auparavant, il restait des gens, mais il y avait eu une petite accalmie, il y avait eu un petit. C'est la déception. Mais je me doutais qu'il y aurait une petite vague, ça reviendrait. Mais là, c'est en train de devenir trop populaire. C'est en train de devenir trop populaire. On est notre propre gourou et croire à personne, même pas à soi. Et voilà, faire comprendre les mécanismes de subjectivité de l'ego qui réfléchit. Si ça, ça finit par être intégré, ben là, vous allez être en voiture, là. Bien dit, Berthold, de s'en remettre à nous-mêmes, sachant que nous sommes naïfs. Et ouais, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus se dénigrer en se convainquant qu'on n'est pas du tout intelligent, au contraire. L'affaire, c'est que, bon, il y a des forces de déformation. La subjectivité, c'est quelque chose qui déforme. Puis, on n'est pas intelligent tout seul, oui, mais comprendre que l'ego, c'est pas tout. C'est comme la pointe d'un iceberg. Si vous pensez que vous êtes intelligent, vous êtes réellement mûr pour la possession, ouais. Ben oui, puis ça commence par l'obsession. La possession, puis aussi, il y a d'autres phases. Il y a la fascination, ensuite l'obsession, ensuite la possession. Les gens, parce qu'ils s'identifient à leur pensée, c'est extrêmement dangereux. Pourrais-tu élaborer sur le doute? Le doute, c'est la polarité de la croyance. Ça fait partie de la croyance. Quelqu'un qui doute quelque part, il n'est pas sorti de la croyance encore. Sinon, il n'y aurait pas de doute. À un moment donné, j'étais allé dans une librairie qui vendait des livres à la fois neufs et usagés, puis je voyais qu'il y avait des livres de scientologie. Je regarde la dame à la caisse, puis elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça fait là? Elle dit, oh, c'est quelqu'un qui fait partie de la coopérative qui a amené ça, lui, il est dans ces affaires-là. Puis là, j'ai commencé à lui dire l'opinion que j'avais de la scientologie. Puis là, elle m'avait dit, on est toutes libres au niveau spirituel, on fait tous des choix. Puis moi, je m'étais choqué, je l'avais regardé dans les yeux, puis j'avais dit, l'être humain n'est pas libre, sinon il ne serait pas polarisant entre le doute puis la croyance. Puis là, mais dans ce temps-là, ça fait une dizaine d'années de ça, j'étais un petit peu moins indulgent avec les gens. Puis je pense que, bon, ça l'a peut-être shaké un peu, là. Quand on parle de l'ego dans la supraconscience, ça veut dire quoi? L'ego, c'est une lentille. L'ego, c'est une lentille expérimentale où il va y avoir le processus d'individuation par rapport à une structure de base. Donc, comment sortir de la croyance? Ça, c'est long. Ça, c'est long. Ben, si vous comprenez qu'il y a une polarité entre le doute puis la croyance, c'est déjà commencé. Puis, vous allez. Mais, pour être franc, là, ce qui est le plus efficace, là, c'est la déception. Puis, la souffrance psychologique, en tout cas, au début. Parce que les gens qui ont des croyances finissent toujours par en souffrir. À moins que ce soit tellement ancré en eux qu'ils vont rationaliser leurs croyances. Mais il va y avoir de la souffrance pareille. C'est juste qu'ils n'identifieront pas d'où elle vient. Donc, alors que j'étais sur le point de dormir et j'ai senti une énergie se coucher sur tout mon corps, je n'ai pas eu peur, mais je me demande ce que c'était il y a à peu près 2 semaines. C'est ça, là, ça peut être différentes choses. Ça commence, ça c'est des expériences, ça commence à être sérieux. Ça dépend, ça peut être différentes choses. Ça peut être autant le double qu'autre chose. Vous savez, là, anciennement, là, il y a des choses qu'on appelait des incubes, des succubes. Et vous savez, l'invisible, il y a toute une flore, il y a tout un bestiaire, il y a des formes de vie. Puis elles peuvent se nourrir de choses très subtiles. Mais c'est pas nécessairement ça, là. C'est pas ce que je dis. J'ai laissé des commentaires chez Sergio pour le désir des gens. Ils veulent à tout prix être supraconscient. C'est fou, ça. Ben oui, puis l'affaire, c'est que ça ne se manifeste pas par le désir. Même jusqu'à un certain point, ça se met... Bon, en tout cas, c'est pas... Mais c'est drôle, j'ai jamais laissé de commentaire nulle part. J'ose pas. Ça me dit tout le temps, mêle-toi de tes enfants. Peut-être le sang chaud qui circule une fois couché, ben, ça dépend, là. Parce que des fois, quelqu'un qui a un écran mental, ils peuvent voir un petit peu. Ou ceux qui font des paralysies du sommeil, des fois, ils voient toutes sortes de choses, là. Ça peut même être extrêmement, extrêmement traumatisant. Mes souvenirs d'enfance, les pires, mes pires souvenirs d'enfance, je suis sous ma couette et je suis en train de crever de chaleur. Mais je peux pas me sortir la tête de sous la couette parce que je le sais qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est là avec moi. Puis je veux pas le voir. C'est dans les pires souvenirs de mon enfance. Surtout que c'était des choses où j'étais complètement seul avec ça. Marie-Jeanne, ah, vous parlez à Marie-Jeanne. Toute la collection. Ah. Possible élaborer sur l'initiation solaire. Oh. Vous savez, la Kundalini, c'est ouvrir des centres pour faire monter certaines forces liées au magnétique, au tellurique, puis ensuite ça va arriver à l'électromagnétique. Puis bon, ça, c'est les vieilles façons. L'initiation solaire, là, c'est autre chose. Là, ça va se débloquer progressivement en partant d'en haut. Puis ça va se densifier de plus en plus, dans le sens, ça descend. Ça descend. Mais là, ça devient un petit peu complexe, là, pendant un live, là. À un moment donné, je fasse. Bon, ça bloque encore, Mathieu. Il faudrait à un moment donné que je fasse un enregistrement juste sur l'initiation solaire. Puis je vais être franc avec vous. Je me sens pas assez solide pour le faire. Encore. À un moment donné, je vais peut-être être mis en vibration pour le faire. Puis à ce moment-là, je pourrais parler, puis moi-même découvrir ce que je dis. Ouais, donc, heureusement que je ne suis pas dans les groupes de Supra. Ouais. Quoique, inquiétez-vous pas, il y en voit de toutes les couleurs, je suis certain. Je suis certain qu'il y en a de toutes les couleurs. Mais je ne veux pas décourager non plus les gens de socialiser, là, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Faites maintenant, s'il vous plaît. Ben non, le soir comme ça, là, je ne suis pas très. Il y a une chose par rapport. Comme pourquoi, par exemple, que je me lève si tôt, puis que je me couche quand même assez de bonne heure, comme là, je vais à la veille là, de me coucher, j'ai une certaine synchronisation avec le soleil, semble-t-il. Ceux qui s'intéressent à la bourse, là, à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'il y a des investisseurs qui suivent les phases de la Lune. Ça fait partie du monde de la finance qui est très lunaire. Non, c'est les questions qui me mettent en colère. Je ne peux pas concevoir que l'initiation solaire a un quelconque lien avec la Kundalini. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Mais ça ne donne rien de se mettre en colère. Mais je comprends. Je comprends. En tout cas, vous vous faites mettre en colère. J'ai peut-être tort de dire vous mettre en colère. Mais l'affaire, l'initiation solaire, c'est comme c'est totalement l'autre processus. Ce qui fait justement que ça pourrait à un moment donné aboutir à une humanité un peu différente, qui n'aura pas besoin justement d'aller se faire initier par des chamans, puis de prendre des substances psychotropes pour s'ouvrir les centres, parce que justement, le fait que c'est ceux d'en haut qui sont ouverts en premier, ben, ça fait en sorte que le processus est inversé. Donc, au lieu de se faire ouvrir les centres pour ensuite apprendre à empêcher certaines choses de s'engouffrer dedans, ben, c'est le contraire, c'est-à-dire le discernement va apparaître en premier, puis après, ça s'ouvre. Donc, la personne va être capable de rayonner, d'émettre un champ qui va tenir à distance certaines choses. Donc, l'affaire de la Kundalini, pour moi, c'est sûr, c'est les vieilles écoles initiatiques, c'est des choses qui font partie d'un cycle qui s'achève. Donc, ça va sûrement, il va y avoir une resurgence de ces choses-là, c'est certain. C'est comme les derniers soubresauts de quelque chose qui est en train de mourir, un peu comme un patient qui fait des convulsions. Donc, c'est encore plus fort à la fin. C'est pour ça qu'on parle d'une fin de cycle. Donc, c'est dans le sens contraire. Ouais. Quelle énergie doit circuler? Ben, c'est supposé venir d'en haut. L'être humain est encore planétaire, très, très, très planétaire. Donc, c'est l'autre. L'initiation solaire, ça le dit, hein? C'est pas de la Terre. C'est de la lumière pareille. C'est eux qui choisissent leur élève, pas nous, pour l'initiation. Ben, l'énergie va aller selon son appointement, dans le sens que un contenant qui est assez dense, qui a une capacité de support, ben, ça va au contenant. Un contenant qui n'a pas de contenance, ça peut aspirer un temps. Mais bon. Pourtant, BDM a beaucoup souffert de cette initiation pour l'intégration. Oui. Ouais, mais là, c'est un cas spécial. C'est un cas spécial parce que on dirait que il y a eu une souffrance épouvantable, oui, mais c'est parce que plus c'est nouveau, les premiers, c'est des martyrs tout le temps. Quand il y a du nouveau, là, les premiers à expérimenter du nouveau, ben, c'est ceux qui, justement, vont servir à ajuster. Donc, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Comment qu'il dit ça? Moi, j'ai une programmation qui est abominable. Bon. OK. C'est mieux que des programmations minables, comme on en voit dans certains groupes très, très spirituels, que finalement, ça finit que ça n'a plus aucun sens, puis ça aboutit à des choses ridicules. Vaut mieux subir de l'abominable au niveau d'un processus qui va aboutir à quelque chose que de subir des choses. L'histoire du Mexique, moi. La mère de mon père était allée au Mexique. Puis, bon, en tout cas, elle en avait ramené, j'ai ça quelque part dans l'entrepôt que je loue, une petite pyramide en pierre. Puis, il y a une affaire par rapport à l'histoire, il y a une de mes tantes qui est allée, ma tante Linda. Puis, dans ce temps-là, on avait le droit encore d'escalader certaines pyramides. Puis, elle avait monté sur la pyramide du soleil, je pense. Puis, une fois rendue en haut, elle avait crié « Maman! » Puis par après, quand elle est retournée à Montréal, ma grand-mère l'attendait à l'aéroport. Puis la première chose qu'elle a dit à ma tante Linda, c'est « Je t'ai entendu! Je t'ai entendu! » Ça l'avait beaucoup marqué. Ma tante Linda qui est décédée d'un cancer il y a quelques années. On ne peut pas comparer l'intégration de BDM avec notre, et voilà. De toute façon, il va falloir à un moment donné sortir de ça. Sortir du comparatif. Ça commence à être complexe, là. Surtout pas comparé avec BDM, ben non. Parce que BDM, il était dans son contexte. Chacun, c'est pour ça, souvent, je vais dire, ah, oh, c'est du cas par cas, c'est du cas par cas, parce que je le sais, ça, que le contexte fait. C'est le contexte qui fait l'expérimental, entre autres, pas juste l'expérimentateur. Chez nous, on dit, il a cassé le glas pour les autres, ça va être plus facile que pour BDM. Là, je suis pas sûr. Ah, oh, là, je suis pas sûr. Ça va être nécessairement plus facile. L'arrêt au port et non l'arrêt au port. J'ai dit l'arrêt au port. L'arrêt au port. Là, si vous accrochez sur mon accent, je vais me tanner. Crois-tu que l'on va jouer à la rentrée encore à la CD? Ben oui. Ben oui. C'est une gang d'hypocrites, là. Regardez bien, dès que les élections vont être finies, puis même un petit peu avant, ils ont commandé, là, des millions de serviettes sanitaires pour les petits. Puis, il y a des gens qui rapportent qu'ils auraient même acheté des soutes. Vous savez, les habits blancs, les survêtements blancs, comme on voit en Chine, là, avec les capuches, puis... Qu'est-ce qui nous prépare du pire? Ça, je vous le garantis. Mais faut pas me croire, mais faut voir. On va le voir. Donc, comme tu as dit tantôt, c'est l'époque aussi. Beaucoup de choses se mettent en place au niveau tellurique. Ouais, il se passe des choses étranges. Dans le sens, ça, il semblerait que la Terre tournerait plus vite en ce moment. Ça expliquerait certaines choses. À chaque fois que je programme l'heure sur le micro-ondes, il prend de l'arrière. J'ai une vieille horloge américaine des années 1880 à peu près. Quand il va être minuit, je la remonterai. Je vais la remonter puis faire une petite vidéo où on l'entend sonner. En tout cas, non, c'est pas l'accent. C'est juste que quand j'entends l'aéroport, ça me fait mal aux oreilles. Pourquoi? Pourquoi? Il y a un endroit à Montréal qui s'appelle le Le vieux port de Montréal. On nommera pas de nom. C'est qui le vieux port de Montréal? Pandémie psychologique. Moi, ben, c'est tout le temps psychologique aussi. Ceux qui ont de l'intérêt là, pour certaines choses par rapport à la somatisation. Allez-vous rendre compte que même les épidémies, c'est peut-être. Ça siffle fort les avions. Ben oui, c'est pas endurable. Vous savez, j'ai jamais pris l'avion et je ne le prendrai jamais non plus. Il n'est pas question que je monte là-dedans. J'ai pas d'affaires là. Donc, si j'ai à me rendre à l'étranger, je prendrai peut-être un bateau. Mais même là, je pense pas me rendre nulle part. Mais il reste que bon. Bon, Marie-Jeanne Guéry, je vais devoir vous laisser bientôt. Ça va faire 1 heure là, dans quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose là avant que je quitte? Mais je tenais à dire là, la dame là, qui m'a fait un audio là, par rapport à un rêve qu'elle a fait par rapport à moi, que moi, il faut regarder derrière la forme. Il faut regarder derrière la forme. Elle m'a vu habillée en vert. C'est ça qui m'a frappé le plus. Parce que oui, la fonction de l'humain, mes yeux, c'est d'être un jardinier. Prendre un petit avion, c'est fun. Oh, ça me tente pas. Être assis juste derrière le pilote, puis le voir forcer sur le manche à balai. Là, non, non, non. Vous faites encore le beau chou. Ben, depuis que mon jardin était rasé, je fais plus aucun exercice, je fais plus rien. J'ai perdu l'appétit un peu même. Je t'ai entendu dire déjà que tu as été en dépression une grande partie de ta vie. J'aimerais t'entendre raconter comment tu en es sorti et connaître les éléments qui t'ont permis d'en sortir. Et ce serait long, là, il me reste 2 minutes. Disons qu'il y a certaines structures qui ont cassé, puis j'ai compris que c'était de la manipulation, puis c'était impossible, puis c'est par l'observation. C'est par l'observation que je me suis rendu compte que ça venait pas de moi. Et entre autres, hein, je peux le devoir un petit peu hein, au supramental. Puis aujourd'hui, j'ai même de la difficulté à. De la difficulté à m'apitoyer ou à avoir de la peine. Quand tu as dit ça va être violent, la fin de cycle, faisais-tu allusion à des cataclysmes, entre autres. Richard Glenn est-il un de tes mentors? Non. J'en ai pas de mentor. J'en ai pas de mentor. Ben, à un moment donné, j'ai mis une vidéo du notaire Godbout. Ça se rapprocherait peut-être plus de. Parce que même si je l'ai rencontré une fois en personne, parce que j'étais allé étudier dans une ville où ben, il était à sa retraite rendu là. Mais je peux pas le dire que c'est un mentor. J'ai jamais été assez proche. Dernièrement, j'ai regardé une émission où certaines personnes sous hypnose déclaraient que la forme de la Terre n'était pas ce qu'on l'en croyait et nous disait, qu'en penses-tu? J'en pense rien. Vous savez, la Terre, peu importe sa forme, ça va rester les mêmes lois évolutives, expérimentales. Je veux dire, quand bien même elle aurait la forme de. Hein? Ça change quoi? Famine, guerre civile aux USA, guerre mondiale. Ça risque de ressembler à ça. Glenn, un mentor. Moi, tout un petit peu comique, mais disons, on rit jaune, hein? Mentor, menteur, bon. Ben, l'affaire, imaginez, là, si j'avais Glenn comme mentor, je serais mêlé, je serais mélangé. J'aime pas ce mot-là, mentor, moi. Le mentorat, c'est important quand même. Encore un rapport hiérarchique. Ouais. Ah, bravo, bon, ben, merci. Merci du partage. Ah, bon, ça fait 1 heure. Je veux demander, Richard, s'il veut votre mentor. Moi, ah, mais vous savez, j'aime autant pas parler de comme M. Glenn, puis, parce que c'est des choses que j'essaie d'éviter. C'est pour ça que des fois, il y en a qui viennent me parler comme Madame Vimont, puis au fond, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Si j'ai pas trop envie que. Ceux dont ils sont les mentors me prennent pour cible tout en même temps. Parce que si je crains pas l'invisible, si je crains pas les ensorcellements, si je crains pas les envoûtements, ces choses-là, par contre, je crains quand même la folie de l'être humain. L'être humain est fou quelque part. Puis il y en a des. Il y en a du monde dangereux. Ah bon, ben merci. Puis donc, bon ben, bonne soirée. Au revoir. Sydney Fund, je pense, ouais. Pas pire.